Chapitre 23e, les goûts. Si Alice avait su quel était l'homme qui restait indéfiniment sous l'eau et qu'il avait mille raisons de croire noyé, il eût été stupéfait de le voir dès le lendemain debout, bien portant, frais, dispos et joyeux dans le cabinet du préfet de police. Il y attendait celui-ci. Quand le préfet arriva, il vit la mine du commissaire que la nuit avait été bonne. « Eh bien ?» lui demanda-t-il, après avoir fermé avec soin la porte du cabinet. « Monsieur le préfet, dit Rabelais, nous avons la clé du mystère. Monsieur le Noël est sauvé avec les deux jeunes gens. Vous connaissez l'affaire des scellés ? Oui, monsieur. Vous jugez que c'est ou monsieur le Noël ou le jeune homme qui a fait le coup ? C'est Armand. Quel indice vous fait supposer cela ? Monsieur le Noël est bourgeois, respectueux de l'ordre et de la loi. Armand est un bohème, ou plutôt était un bohème, insoucieux des préjugés. Jamais, même pour prendre son bien, monsieur le Noël n'aurait brisé des scellés. Ce ne peut être que l'autre. Pourquoi sauvés ne se sont-ils pas tout simplement revenus à leur maison ? Mais, monsieur le préfet, voilà deux fois que leur vie est menacée, ils auront pensé à se laisser pour mort. Et de la sorte, ils ont la sécurité. Alors, dit le préfet, il serait bon de savoir où ils se retireront et ce qu'ils se feront. Inutile de nous déranger, parce que, où ira la comtesse, nous irons, et notre monde ne sera pas loin. La comtesse aime, monsieur Armand. Et elle a voulu l'assassiner. Cette contradiction inexplicable s'explique cependant, monsieur le préfet. La comtesse a un but, des associés. Elle se trouve entre ce que j'appellerais son devoir, qui est de tuer Armand comme les autres héritiers, et son amour, qui est débuté par de la haine. Elle est dédaignée. Elle a des heures de tendresse et des jours d'énergie farouche, où elle agit. Mais Rabelais, impatient enfin de raconter sa nuit, rompit le cours que suivait la conversation et il demanda au préfet. « Ne voulez-vous pas entendre mon rapport sur les faits de cette nuit ? Je vous écoute. » Rabelais reprit la parole et il raconta comment il en était venu à plonger pour repêcher Passepartout qui ne remontait point. « Je descendis donc, dit-il. Je trouvai l'ouverture de l'égout dont je vous ai fait la description et qui se trouve submergée depuis l'établissement du barrage. Je m'engage en nageant toujours dans l'égout et je m'aperçois que sa pente remonte rapidement. Au bout de 5 ou 6 mètres, l'eau n'atteignait plus la voûte et je respirais. J'entendis dans l'égout un bruit de pas et je ne doutais pas que ce fût Passepartout qui explorait les lieux après avoir pris terre. Si je ne me suis pas insuffisamment expliqué, vous avez compris, monsieur le préfet, que la pente de l'égout étant rapide, le fond, d'abord submergé, se relevait promptement et que la Seine cessait à peu de distance de remplir ce conduit. Bientôt même, on était tout à fait à sec et je trouvais Passepartout prêt à revenir. Il avait fouillé l'égout, il restait convaincu comme moi que monsieur le Noël et les deux jeunes gens s'étaient sauvés de cette façon-là. À part les probabilités, avez-vous pu trouver une preuve du fait ? Oui, monsieur. Au lieu de sortir de l'égout par l'eau, j'ai résolu de passer une inspection. J'ai toujours en expédition l'indispensable rouleau de bougie, dit rat de cave, qui rend tant de service, et la boîte imperméable d'allumettes chimiques. Celle-ci se fermait par bonheur hermétiquement, et je pus allumer mon rat de cave. J'éclairai le sol vaseux de l'égout. Vous avez trouvé des traces ? Oui, monsieur. Tout d'abord, dans la boue, des empreintes de pieds qui ne peuvent appartenir qu'au jeune colosse qui doit épouser la pupille de monsieur le Noël. Cela devient très probant. Plus, dit Rabelais, une paire de gants tombés d'une poche et dont l'un n'a que 4 doigts. Ce sont des gants légers en soie que la jeune fille ne mettait qu'au fort du soleil pour empêcher ses mains de noircir au hâle et à la chaleur. Ce gant à 4 doigts prouve bien qu'il vient de mademoiselle Fernande. En effet, dit le préfet, elle a subi l'amputation. Enfin, monsieur le préfet, dernière preuve, et celle-là concluante aussi, nous avons ramassé un mouchoir aux initiales de monsieur le Noël. Donc ils sont sauvés tous trois, dit le préfet. Nous n'en étions pas sûrs encore. La jeune fille pouvait avoir été asphyxiée et ne pas être revenue à la vie dans l'égout. Mais nous avons trouvé l'endroit où les deux hommes l'ont placée pour lui donner des soins. Quand elle a repris connaissance, elle s'est levée et elle a marché. Son petit pied est encore empreint sur le sol. Comment êtes-vous ressorti ? Après le regard d'égout, le même qui avait servi d'issue à monsieur le Noël. Les pas s'arrêtaient à cet endroit. Le préfet prit le rapport que lui tendait Rabelais et lui commanda une dernière fois. « Ne perde pas de vue la comtesse. Si elle part, suivez-la. Je serai heureux d'emmener Passepartout, dit Rabelais. Prenez-le, dit le préfet. Je saurai toujours quand la comtesse quittera Paris, fit observer le jeune homme. Une femme comme elle ne voyage pas sans faire et recevoir des visites d'adieu. » Et il prit congé du préfet qui commençait à prendre espoir.